Une fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter Un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet, nous sommes en fin d'après-midi, en petit début de week-end, c'est un coup d'œil dans le rétro. Une fois par mois, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour, bien sûr. On est très très heureux de vous retrouver et surtout de vous informer sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs et les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Vendredi 19 octobre, veille des vacances, équipe réduite. Nous avons ce matin, enfin cet après-midi, je suis décalé dans la journée. Nous avons cet après-midi, cette fin d'après-midi, Adrien. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? T'es en forme ? Ouais. Voilà. Bon, écoute, on va parler avec toi de quoi ? On va parler d'Halloween. D'Halloween qui va arriver très prochainement, d'ici une dizaine de jours. C'est toujours la tendance d'Halloween ? Ça marche toujours aussi bien. Bah, ça a l'air de marcher. Au niveau de la fête, ça a l'air de marcher. Bon, ouais. Et aussi Anaï, qui est la représentante féminine dans cette émission. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et d'ailleurs, on peut souhaiter un anniversaire à qui ? À Clément. Bon anniversaire, Clément, voilà, qui ne vient plus dans l'émission depuis 1996. Il nous boude. Et donc, Clément, on te souhaite un bel anniversaire, en tout cas. Et bienvenue à vous, à ceux qui nous rejoignent en cette fin d'après-midi sur Fadjet. On est ensemble jusque 18h. Alors, est-ce qu'on peut faire un peu le sommaire du jour ? D'ailleurs, on a aussi une autre défection qui est malheureusement notre invité. Mais oui. On fera de la pub quand même parce qu'il a été dépassé par les événements, notre invité. C'est les puces restaurant vintage showroom à Nancy. Et donc, malheureusement, il ne peut être avec nous ce soir, Mehdi, parce qu'il est victime de son succès. Mais tant mieux. Voilà. Enfin, voilà. Il n'avait pas suffisamment prévu de serveur ce soir. Il est plein, midi plein ce soir. Donc, n'hésitez pas, en dehors, bien sûr, d'aujourd'hui, d'aller voir ce restaurant. Ça a ouvert depuis le 5 octobre, c'est ça ? Oui, je crois. Ça se situe en fait 31 Grande Rue à Nancy, donc c'était anciennement le Romarin. Je vous invite à aller manger là-bas. L'idée en fait, c'est le mélange en fait d'un restaurant et de brocante en fait, ouais. Où vous pouvez visiblement acheter les objets sur place. J'espère qu'on le recevra dans une prochaine émission et puis qu'il viendra nous parler un petit peu de son lieu quoi. N'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de la page Facebook ou du compte Instagram. Ouh là là, qu'est-ce C'est, en fait, on prépare Halloween, c'est pour ça. C'est la première fois que je vois ça, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, en tout cas, allez, on va. Oh, d'ailleurs, je deviens de plus en plus caverneux, comment ça. Donc, je vais vous laisser. Ah, oui, c'est bizarre, hein, y a un problème de micro là. Ouais, ça fait un peu loin. Alors, tu peux nous donner le programme du jour ? Alors, au programme donc, de cette émission, vous l'aurez compris, on va parler d'Halloween avec Adrien. François, toi, tu nous feras ta chronique sur ça s'est passé un 19 octobre. Donc, on va apprendre des choses. Moi, j'avais envie de vous parler d'un chanteur célèbre qui est décédé il y a 40 ans, donc Jacques Brel. On en a entendu un petit peu parler ce mois-ci parce qu'il est décédé en octobre, voilà, il y a 40 ans. Et puis, je vais vous parler aussi d'un accessoire de mode pour les hommes, en fait, pour l'automne. D'accord. Donc voilà, j'oublie un peu les femmes ce coup-ci. Donc ça sera la casquette. La casquette que vous allez retrouver dans les boutiques, en fait, pour cet automne, messieurs. Voilà. Donc on va remettre une casquette, c'est ça ? Oui, ça sera la tendance. Ça sera la tendance de cet automne. Vous m'entendez bien, là ? Oui. Oui, moi j'ai l'impression de m'entendre un peu loin aussi, je sais pas. Je ne sais point. C'est la technique, c'est comme voilà. ça. Voilà, mais c'est pas grave. On va engueuler le gars de la technique, c'est moi. Alors, eh bien, moi j'ai envie de commencer avec vous, tout simplement, aujourd'hui, eh bien, par un « ça s'est passé un », comme tu disais. Et surtout, un 19 octobre. C'est une catastrophe, là. Comment ça se fait que ça l'arsène comme ça ? Alors, ça s'est passé un 19 octobre. Et je vais vous donner un petit, une petite musique. Alors, ça vous rappelle quelque chose ? SLC, salut les copains. Oui, bravo. Oui. Donc ça s'est passé effectivement un 19 octobre. Et notamment, alors je vais vous en dire un petit peu plus. Ah oui, et on a notre technicien qui rentre dans le studio. Notre sauveur. Qu'est-ce qui se passe? Je n'entends plus rien, je ne sais même pas si les auditeurs nous entendent. Mais tant pis, on continue, c'est comme ça. c'est le direct. Salut les copains, c'était une émission de variété radiophonique, hein, il faut le savoir. Ça a été créé en 1959 sur Europe 1 par Franck Thénault et Daniel Filippacci sur une idée de chant de Jean Friedman. Le titre de l'émission est emprunté à la chanson éponyme de Gilbert Bécaud, sortie en 1958 et dont le texte est signé Pierre Delanoë. À l'époque, je ne sais pas si vous le saviez, le directeur des programmes d'Europe 1. Hein, d'accord. Numéro 1 avec Lucien Maurice. Lancé en l'été 1959, sous forme d'émission hebdomadaire, l'émission est passée dès le 19 octobre, la même année, à une fréquence quotidienne, du lundi au vendredi, entre 17h et 19h, et elle aurait réuni jusqu'à 40% des 12-15 ans. Ce succès est relayé par le magazine mensuel Salut les copains, lancé en juillet 1962. Il faut savoir aujourd'hui d'ailleurs que ce magazine s'arrache hein, chez les collectionneurs, et donc il faut vite s'avérer que c'est un vrai phénomène de presse avec une diffusion de l'ordre d'un million d'exemplaires, et l'émission révèle le soir du 22 juin 1963 une puissance de mobilisation que personne n'aurait pu imaginer avant. L'apogée de l'émission se situe entre 1961 et 1965. À partir de 1966, le marché de la variété musicale pour les jeunes commence à se stratifier par âge et se segmenter, donc entre différents styles, notamment la rivalité. Alors il y avait une vraie rivalité à l'époque entre Antoine et Johnny Hallyday. Et à cet égard, un épisode d'ailleurs significatif. Et de plus, sont apparus sur les autres radios des émissions hein, concurrentes bien sûr, et ça se faisait de plus en plus sentir. Sur RTL, il y avait Minimax de président Roscoe, importe le rythme frénétique et le ton des radios pirates anglaises, triomphe chez les amateurs de pop britanniques et aurait dès fin 1966 dépassé l'audience malheureusement de SLS. LC, salut les copains. L'émission peine à se renouveler et décline, et les déprogrammée, dans l'indifférence générale, 10 ans après sa création en 1969. Et peu avant, Johnny Hallyday donc prononçait cette cruelle oraison funèbre. Il vaut mieux qu'elle crève, elle est devenue complètement ringarde, même les enfants ne sont pas assez débiles pour l'apprécier désormais. Bah, dis donc, sympa le Johnny. Johnny, qui a été assez sévère. D'ailleurs, il y a aussi un fait marquant aujourd'hui, hein, pour un 19 octobre 2018. C'est quoi? Aujourd'hui, bah justement, Johnny a sorti son album. Johnny Hallyday. Enfin, depuis minuit cette nuit, quoi, en fait, hein, où les gens se sont arrachés. 800 000 déjà qui étaient prévendus, je crois. Oh, c'est bien possible, oui. Depuis minuit, ouais, t'imagines un petit peu. Ça s'est passé aussi un 18 octobre 1979, si je vous mets ceci. On le connaît? Oui. Donnez-moi le mot. Ouais, non, je sais pas du tout le mot. Là, ça nous vient pas comme ça, là, tu vois. C'est les Buggles. Vidéo Killed the Radio Star qui arrive au sommet des charts le 18 octobre 1979. Et il est aussi numéro 1 en France, en Australie, en Suède et en Suisse. Ce titre entraînant, écrit par Trevor Horn, Geoff Downes et Bruce Woolley, est le premier single du groupe britannique The Buggles. Il raconte la fin de la carrière d'un animateur de radio à cause de l'arrivée de la télévision. Bruce Woolley, avec son groupe Woolley and the Camera Club, est le premier à enregistrer une version qui sort sur l'album English Garden. Et le 7 septembre 1979, The Buggles, formé de Horn et Downes, sort à son tour le single qui connaît un formidable succès en Europe. Video Killed, The Radio Star, figure sur l'album The Edge of Plastic. Et le clip, surtout, de Video Killed, The Radio Star, est le premier à avoir été diffusé sur la toute jeune chaîne musicale MTV, ce qui contribue à faire de cette chanson un rythme des années 80. Et c'est aussi le premier single numéro 1 pour le label Island Records. Donc Buggles, voilà, on connaît tous, mais on connaît pas forcément. Bien sûr qu'on connaît le groupe. Alors moi j'ai envie de vous faire écouter autre chose, qui est un petit son un peu disco et que tout le monde connaît, mais pareil, je pense que personne ne connaît vraiment le groupe. Ça c'est classe, ça, quand même. Là t'as envie de sortir d'une Fuego assez rapidement. D'une Fiat Tipo, tu vois, en faisant 2-3 burns sur le parking du Auchan. Et d'ailleurs, c'est un sample qui a déjà été repris pour d'autres musiques. Ouais. Énormément de fois, c'est The Sugarhill Gang's Rapper's Delight. C'est un titre de 1979, toujours. Tout premier titre de groupe hip-hop américain. Le nom du groupe fait référence à un quartier du nord de Harlem, Sugarhill. Allez, on écoute ça, les amis. Il est 17h09 sur Fadjet. On va faire des vérifications micro, mais on l'ensemble jusqu'à 18h. The hip hop, you don't stop the rockin' to the bang bang boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm, that'll make your body rock. Well, so far, you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talk on my checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Is I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring and drive off in a Death OJ. Everybody go, hotel, motel, Holiday Inn. See, if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G. Oh, my mellow is on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling... Sugar Hill Gang's Rapper's Delight, so Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, il est 17h12, c'est le début du week-end pour certains, mais peut-être pas pour d'autres. Nous sommes en équipe réduite en ce mois d'octobre, avant Halloween. Avant Halloween, effectivement, à Nancy. Mais les lumières viennent de s'allumer quand tu as dit Halloween. C'est vrai ? Ouais. Ah, j'ai pas vu. C'est un signe. C'est un signe. Ouais. Et nous allons poursuivre cette émission, en tout cas, avec la mort d'une légende, hein, en tout cas. Et c'est Jacques Brel, c'est ça, Anaïk ? Oui, alors effectivement, Jacques Brel, excusez-moi. Donc oui, on en a perdu une autre, ce mois-ci, qui était Aznavour. Hein, ouais, donc, c'est vrai. Voilà. Mais j'avais effectivement envie de revenir sur la légende Brel. Avec plus de 25 millions d'albums donc vendus à l'international, il était quand même une icône de la chanson française. Il était à la fois auteur, compositeur, interprète, poète, acteur et réalisateur. Donc quand même, il avait plusieurs casquettes. Il est né en 1929 et il est mort il y a 40 ans, le 9 octobre 1978 à Bobigny. Alors Jacques Brel, à 15 ans en fait, il était déjà poète. Il écrivait déjà des poèmes et des nouvelles. À 16 ans, il avait déjà le goût pour le théâtre. Il avait créé avec des potes à lui en fait... plusieurs pièces. Il jouait en amateur au sein de la Franche Cordée. C'était un mouvement de la jeunesse catholique à l'époque. Et de 18 ans à 24 ans, par contre, il a fait un truc qu'il ne voulait pas. En fait, il a bossé dans l'entreprise familiale. Ses parents, en fait, avaient une boîte de carton. Donc, son père l'a un peu obligé à bosser là-bas. Lui, en fait, clairement, il se faisait suer, en fait, là-dedans. Il pensait déjà à une reconversion. Donc, à l'époque, c'était soit en tant qu'éleveur de poules, soit en tant que cordonnier, soit en tant que chanteur. D'accord. Autant dire qu'on a eu du bol quand même parce qu'il a choisi la troisième option. Éleveur de poules, est-ce qu'on a carrière vraiment à faire? À l'époque peut-être, tu vois, je sais pas. C'est sûr qu'il y a un gamin qui dit ça aujourd'hui. Bon, je pense pas que son projet professionnel. Mmh. C'est possible, c'est un agriculteur quoi, quelque part. Oui, hein. Pourquoi pas. Oui, voilà. Donc en fait, il a choisi cette dernière option, comme je le disais, et il a commencé à écrire un petit peu n'importe où, n'importe quand. Il était à l'époque amateur de musique classique. Il a composé ses premières mélodies donc sur le piano familial et sur sa guitare. Faut savoir qu'en fait qu'il avait jamais appris la musique à l'époque. Encore un autre en fait qui a appris comme ça sur le tas et qui est devenu un génie. C'est toujours des autodidactes. Ouais, c'est fou. Quand moi quand je vois tu mets devant un piano. Rien ne sort. Quoi. Si la lettre est lise, c'est quand même le seul truc non, qu'on sait à pas. Peu près faire. On me dit pas en général. Tu peux partir. Tu sais les pianos dans les gares SNCF. Oui. Tu peux arrêter, s'il te plaît, parce qu'on est obligé de te faire mal. La souffrance nous fait parler. D'accord, donc oui, ok. Donc encore un autodidacte parfait. Complètement. Donc Jacques Brel, donc, il a eu pas mal de rencontres dans sa vie, mais il y en a certaines en fait qui ont compté plus que d'autres. Je crois que c'est Halloween en fait qui nous hante, les mecs. J'ai peur, moi. C'est quoi ce qu'on entend derrière? C'est une moto, là. Si on m'entend, en fait. Incroyable. Aujourd'hui, c'est fou, l'émission est particulière. Tu nous as mis une ambiance, Adrien. Je ne sais pas ce que tu as fait avec toi, Halloween. C'est pas possible. Hein. Donc, je disais, donc Brel a fait plusieurs rencontres qui ont compté dans sa vie, notamment Jacques Canetti, qui était découvreur de talent et directeur artistique de la maison de disques Philips, propriétaire à l'époque d'un théâtre parisien qui s'appelait Les Trois Baudets. Donc en fait, c'est lui qui a fait débuter Jacques Brel en septembre 1953 dans la première partie d'un spectacle. Et en 54, dans le spectacle Cinémassacre, ça s'appelait comme ça, où il a débuté en fait également avec Boris Vian et Jean-Yann. Donc déjà, vous voyez, un petit peu, ses potes de l'époque étaient aussi des... Oui, oui, on n'était pas sur du naze. Voilà. On était pas... Donc, aux Trois Baudets, donc dans les tournées de Canetti, donc qu'il ait ou non du succès, bah Jacques Brel, en fait, il était assuré de chanter tous les soirs et de tester ses chansons et gagner sa vie. Donc, de 54 à 65, Canetti a organisé plein de tournées en France et à l'étranger, dans lesquelles Brel était souvent programmé en compagnie d'artistes comme Sidney Bechet, donc encore un monument de la musique, Catherine Sauvage, j'ai bien dit Catherine et pas Catherine. Parce que ça me faisait penser à Sauvage, voilà le téléfilm qu'on a vu il y a pas longtemps. Sur la première chaire. C'était pas Catherine. Non, c'était Jacqueline. Rien à voir. Ouais. Donc voilà, il a eu quand même pas mal de copains. Il a tourné, il a gravité autour de gens célèbres. Donc autre rencontre qui a compté pour lui, François Robert, qu'il a rencontré en 56, qui est devenu son arrangeur musical, qui l'a accompagné en fait un peu dans toute sa carrière. C'est cette année que Brel a connu son premier succès. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour. Donc, quand on n'a que l'amour, c'était un monument aussi à l'époque. Donc Gérard Joannetz, qui était étudiant aussi du conservatoire, a remplacé donc Robert, donc la personne dont je vous parlais avant, parce que celui-ci, voulait finir ses études de musique. Et lui, c'est lui aussi, Joannetz, en fait, qui a composé pour Brel. À peu près 35 musiques en fait de ses chansons, donc il a quand même énormément compté dans sa vie. Joannetz et Robert en fait ont été les deux musiciens qui lui sont restés vraiment fidèles jusqu'au bout. Donc à force de travail, Brel, il a trouvé son style et son public et il a connu enfin le succès lors de ces galas. Fin 58, c'est le succès donc à l'Olympia en première partie et l'année suivante, il est en tête d'affiche à Bobino où il a créé en fait un tube. N'existe pas, il faut oublier tout. Peut s'oublier. Quand j'écoute cette chanson, j'ai juste envie de me jeter. Ce matin, elle me dit, tu pourrais me télécharger ça. Là, je suis comme ça. Imagine-toi seul dans mon studio en train de regarder le micro. Il y avait une certaine mélancolie dans beaucoup de ses chansons. Oui, c'est une chanson qu'il a écrite pour l'actrice Suzanne Gabriello. Et à la même époque, en fait, il a écrit aussi une autre chanson, pour le coup, qui n'est pas sur le même rythme, qui était... Une valse à mille temps. Une valse à mille temps. Une valse à mille temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'aie 20 ans. Ouais, on la connaît bien la valse. En plus, après, ça s'accélère. Exactement. Du coup, ouais, non, mais c'est. Voilà. Donc, les tournées se sont enchaînées et le succès aussi avec plusieurs titres. La Fanette qui est moins connue. Il y a aussi, bien sûr, Amsterdam. Alors Amsterdam, je suis un peu merdouillé, je crois que je ne le retrouve pas. C'est pas grave, donc il y a eu Amsterdam. Ouais. En fait, à cette époque, il a quitté sa maison de disques, Philips, donc pour la maison de disques Barclay. Il a écrit la chanson Les Vieux en référence à ses parents, Le Pays Plat en hommage à la Flandre et bien d'autres succès. Donc à 37 ans, il a fait ses adieux officiels à l'Olympia, j'arrive plus à parler, le 6 octobre 1966. Alors il a arrêté entre guillemets la scène, la chanson, parce qu'il s'est tourné un petit peu vers le cinéma. En 67, il a joué son premier long métrage qui s'appelait Les Risques du Métier. Et c'est l'année en fait où il a commencé à voyager à bord de son voilier. Il a écrit notamment lors de ses voyages deux nouveaux albums. Et là, on a eu les succès tels que La Chanson des Vieux Amants et Vesoul. Ensuite, en fait, il a créé la version francophone de L'Homme à la Mancha où il a interprété le rôle de Don Quichotte au théâtre. Donc, c'était vraiment, il était multifonction en fait, le mec. Il adorait le théâtre, il adorait le cinéma, il adorait la chanson. Il a tourné plusieurs films. Il a été aussi réalisateur avec France en 1971 où il a partagé l'affiche avec une icône française.

un transistor, comme on dit. Vous tournez le bouton sur 94.2. Et vous avez aussi la possibilité de nous voir, parce que oui, nous avons des belles têtes. Et vous avez la possibilité d'aller sur Fadjet 94.2, service compris, ça c'est le matin, excusez-moi, Fadjet 94.2, un coup d'œil dans le rétro, sur Facebook, notre petite page, où on met de l'actu en général du monde rétro, des événements qui se passent ici en Lorraine. Et si à un moment donné, vous voulez être invité dans notre émission, eh bien c'est tout à fait possible. Il suffit de nous contacter via cette page-là. Et surtout, si vous êtes un acteur local du monde rétro, eh bien on vous invitera dans une de nos prochaines émissions. Alors on poursuit avec Adrien, qui oui. nous a mis un petit peu une ambiance mortuaire oui. dans les studios. Tout à parce fait. Que c'est bientôt, d'ici une dizaine de jours, c'est Halloween. C'est ça. Eh ben oui, le 31 octobre précisément, donc on fêtera Halloween. Donc c'est devenu un petit peu plus commercial ces dernières années. Hein. On l'a vu arriver en France. Je pense fin 90. Des bonbons ou la vie. Voilà. Et ça s'est quand même pas mal développé chez nous. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser justement aux origines. Donc, est-ce que vous êtes en mesure de me dire d'où vient cette fête? J'irais les États-Unis déjà. Oui, moi aussi, j'aurais dit pareil. Ce qui vient naturellement, ouais. Et ben, pas tout à fait, en fait. Si les citrouilles, c'est eux qui l'ont amené. D'accord. À la base, en fait, ça vient des Celtes et des Gaulois. Ah d'accord, ça remonte encore plus. Ouais, ça remonte vraiment. Est-ce que vous savez ce que signifie Halloween? Non. Fantôme. La signification. Moi, je sais pas. C'est lié à un fantôme, lié à un revenant, je sais pas. Non. Ça vient de la contraction de l'expression anglaise All Hallows Eve, qui signifie la veille de tous les saints. Ah d'accord. Donc pour en revenir à ses origines, il faut remonter à plus de 2500 ans, où cette fête celte et gauloise s'appelait la fête Samhain. D'accord. Donc s'il y a des Gaulois et des Celtes qui nous écoutent, je ne sais pas si je le prononce bien. Mais... sinon ils viendront se plaindre. Mais bon, pas de baston, les gars, on n'est pas à la hauteur. En gaélique actuel, Samhain se traduit par le mois de novembre et symbolise la fin de l'été. En Irlande, Grande-Bretagne et au nord-ouest de la Gaule, l'année celte s'achevait à la fin du mois d'octobre, une nuit de pleine lune. Donc à cette occasion, une fête obligatoire est organisée en l'honneur de la nouvelle année à venir. D'accord. C'était l'occasion d'un festin massif, de beuveries à l'hydromel ou encore de sacrifices rituels. Eh ben voilà, qui c'est qu'on sacrifie ce soir? On sacrifie Michel, on en a marre. Il savait faire la fête. Oui, ça savait faire la fête. On bute un gars à chaque fois, il reste plus beaucoup de potes à la fin. Ah ouais, à la fin, ouais, les villages étaient un petit peu déserts, quoi. On célébrait la venue de la nouvelle année, mais aussi les esprits des défunts. D'accord. Donc c'est une fête qui durait 7 jours. Et elle était destinée à créer une passerelle entre les deux mondes, donc entre les vivants et les morts. Comme nous avec le 1er novembre, la fête des saints, la fête des morts. La fête des morts. Et en plus d'être sacrée, c'était aussi une fête politique, militaire et commerciale, car des contrats pouvaient s'établir à ce moment-là. Par exemple, c'était l'occasion de renouveler les pouvoirs du roi qui présidait la cérémonie. Donc en fait, ça n'a pas trop changé, parce qu'à l'heure actuelle, ça aussi un peu commercial. Avant, ça l'était déjà. D'accord. Et comment cette fête s'est retrouvée aux États-Unis? Est-ce que vous avez une idée de ça? Alors, des gaéliques jusqu'aux États-Unis, je ne sais pas. Comment? Alors, en fait, c'est dans le milieu des années 1800, lorsqu'il y a eu la Grande Famine, les Irlandais migrèrent aux États-Unis et emmenèrent avec eux les contes et les légendes, justement, de chez eux. Et parmi elles, il y a un conte irlandais qui est assez connu, c'est Jack aux Lanternes. Donc, Jack aux Lanternes, c'était un ivrogne qui osa défier le diable en lui jouant des farces. Et il fut chassé du paradis le 31 octobre, le jour de sa mort. D'accord. Il sera condamné à errer sur terre pour l'éternité avec une lanterne et aussi avec un navet qu'il est obligé de manger. Oh le pauvre! Parce que quand on m'oblige à manger une soupe au navet, c'est une horreur. Ouais. Et lui, il mangeait ça toute sa mort. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire l'éternité. Longtemps, quoi. Et les Américains se sont appropriés ce conte-là, sauf qu'ils ont transformé le navet par une citrouille. D'accord. Et c'est que vers la fin du 19e que les Américains ont fait de la coutume d'Halloween une fête qui deviendra une fête nationale. Avec la fameuse quête aux confiseries, donc justement, tu en parlais tout à l'heure, les friandises ou le mauvais sort. Mmh. Elle est encore toujours aussi développée aussi aux États-Unis, parce que je vois que les présidents qui se succèdent jouent même le jeu hein, aussi oui. de la fête d'Halloween, ils se déguisent, etc., quand ils sont en famille. Et nous, j'ai eu l'impression qu'il y a quelques années, il y a une petite redescente, mais ça remonte, enfin, je sais pas, c'est un peu. Ça reste quand même une fête que les enfants apprécient. Ouais, c'est ça. Et maintenant, une fête aussi un peu commerciale, parce que tous les commerces jouent le jeu aussi. Oui, oui, complètement, ouais. Je pense que là-bas, ça doit être. Encore plus important, encore plus, important, plus ouais. spectaculaire que chez nous. Oui, c'est sûr. C'est... Justement, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour Halloween, du coup? Eh ben, pas particulièrement. Non, pas pour l'instant. Non, on va visiter la Normandie, c'est déjà pas mal. Bah, ouais, c'est... C'est dangereux, quoi. C'est dangereux. Ça se rapproche du thème, alors. Oui, on n'est pas loin de la mort. Hein. Bon, non. Ça va, ça suffit. Mais non, c'est très bien. Non, alors, au cas où, si vous avez pas prévu d'aller demander des bonbons ou de sortir faire la fête, ouais. Y a un truc qui peut être sympa aussi, c'est de profiter de l'occasion pour vous poser dans votre canapé. Vous éteignez les lumières, oui. Vous faites du pop-corn, vous allumez votre télé et vous faites un petit film d'horreur. D'accord. Pas mal. Ouais, ça peut être bien. C'est l'occasion. Personnellement, lorsqu'on m'évoque Halloween, il y a directement une musique qui me hante l'esprit et qui est indissociable, c'est celle-ci. C'est horrible, hein. Vous reconnaissez? Tu fais te faire L'exorciste? Non. Tu vas te faire zigouiller, en fait. C'est le film Halloween de John Carpenter et c'est lui qui a. C'est lui qui a créé le thème, justement, de la musique. Ah bon? Enfin, du film, pardon. Du film, d'accord. Ouais, ouais. Et est-ce que vous avez des films d'horreur à conseiller? Vous deviez en conseiller un. J'ai l'impression. Pour Halloween. Alors, j'avais vu des films d'horreur horribles. Ouais. Mais qui sont tellement mal faits. Et je trouve La Colline à des yeux, par exemple. Il est bien, celui-là. Mais je trouve que ça m'a fait rire. Mal fait. Ouais, je l'ai pas vu plus longtemps. Parce qu'il y a un, deux, trois, je crois. On a vu que le 1, parce qu'on était. C'était tellement cliché. Ouais. Alors, horrible. Mais c'est pareil. Gore, quoi. Et la tronçonneuse. Comment il s'appelle? Massacre à tronçonneuse. Alors, moi, il y en avait un qui me faisait flipper, mais parce que je l'ai vu plus jeune, c'était Chucky, la poupée. Ouais. Parce que j'étais plus jeune et du coup, j'avais peur de mes. Un peu de mes poupées, quoi. Après, le cercle, là, non, c'est aussi. Ça, c'est plus des films. Un peu. La petite fille, là, qui apparaît, là, aussi. Je sais plus comment ça s'appelle, ça, ce film-là. Bah, nous, il y avait aussi l'époque, mais après, ça a dégénéré un peu. C'était Scream aussi. Ah, non, vous savez, Scream, ouais. Vous savez ce qui m'a fait peur? C'est ça. Oui, il est revenu. Oui. Voilà. Tu voulais en parler? Ouais, bah, on peut. Il y a quelques classiques qu'on peut conseiller, justement. Qui ont déjà été cités. Donc, en classique de film d'horreur, il y aurait Halloween, il y aurait Shining. Ouais, Shining, ouais. L'Exorciste. Ouais. Ah ouais, ouais. Massacre à la tronçonneuse. Mm. Les Griffes de la Nuit, donc ça c'est Freddy. Mais oui, d'accord, ouais. Freddy. Il y a Chucky aussi. Ouais. Chucky fait flipper aussi. Mais... Un peu plus vieux, il y a Psychose. Freddy de Chucky. Ah bah, oui. Et d'ailleurs, il y a des paysages comme à Dinard, par exemple, oui. Qui sont. Oh, là, c'est la Bretagne, pour le coup, ouais. Qui sont vraiment significatifs des films avec cette maison en bord de falaise, comme ça, assez magique d'Alfred Hitchcock. Hein. Complètement. Il y a Vendredi 13. Oui. Donc, on a parlé de Ring aussi. Ouais. Donc la version japonaise et puis américaine. Ouais. Evil Dead, qui mélange un peu les genres parce qu'il y a Evil Dead 1, 2 et 3. Et il y a aussi de la comédie dans Evil Dead. Ouais. Et je voulais parler aussi de ça. Bah, ça. Parce ça, que, il est revenu. Enfin, c'était. Ça, il est revenu. En fait, c'était un. Donc, c'est un téléfilm qui est en deux parties. Il y a ça, la première partie, et il est revenu la deuxième partie. Et c'était un téléfilm. Là, ils ont fait les sorties ciné là-dessus, non? Ouais. C'est devenu un film. Et là, c'est devenu un film, mais ils vont sortir quand même la deuxième partie. Tu l'as vu, toi? Ouais, je l'ai vu, et justement. Mais j'ai rematé le premier, l'original. Ouais. Et en fait, faut le regarder, quoi. Je pense que ça. C'est bien. C'est fidèle à. Parce que c'est quelle année, ça? C'est pas les années 90, quand même. Je dirais même avant. Avant? Fin 80? Je pense, fin 80, ouais. Ah, ça m'avait fait. Mais ça vaut le coup de le revoir, parce qu'en fait, ça désacralise le truc. Hein. Ouais, ouais, avec ton regard d'adulte. Ça a quand même mal vieilli. Hein. Ouais, bon, bah d'accord. Surtout la deuxième partie. Hein. D'accord. Tu nous suggères un titre, Adrien? The Fratelli, et c'est. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Stand-up Tragédie. Voilà. Allez, les amis, vous êtes à l'écoute de Fadjet. Et surtout d'un coup d'œil dans le rétro, notre émission mensuelle de 17h à 18h. Et on est ensemble jusque 18h. Bah, c'est encore une petite demi-heure. Bon début de week-end à tous. Stand-up Tragedy sur Fadjet. Alors encore une fois, il est 17h35, nous sommes le vendredi 19 octobre les amis, on arrive tout doucement pour certains aux vacances scolaires. Hein. Mmh. Deux semaines de vacances scolaires, ce que nous n'avions pas, hein, quand on était jeunes, mmh. On avait une semaine pour nous, et c'est passé après à 9 jours, et maintenant c'est 15 jours. Voilà. Attends, faire un pont jusqu'au mois de décembre. Donc c'est vrai, hein, ça, ils peuvent en profiter, en tout cas les enfants. À un moment, ils parlaient justement de rechanger ça, je crois d'ailleurs. C'est comme l'heure d'été, ça, hein, c'est pareil, ouais, on ne sait pas. Ça occupe, on y reste, on n'y reste pas, on ne sait plus. Il est 17h36, je le disais, c'est le moment peut-être, car on a encore la possibilité de se vêtir de manière légère en ce moment. Hein. On a encore la possibilité de mettre une casquette. C'est la mode du jour, c'est ça? Alors oui, mais c'est aussi la mode pour l'automne en fait. Donc ils ont, dans les boutiques nancéennes, vous allez pouvoir trouver des casquettes d'automne, un peu matelassées, un peu hivernales. Matelassées? Ouais, c'est dingue comme... Avec les oreilles? Pas les oreilles matelassées? Alors, non, sur les défilés... automne-hiver 2018-2019, les grands créateurs effectivement ont mis des oreilles. Pourquoi tu prends cette accent italiano italiano tout les grands créateurs. Oui. Maintenant, je suis pas sûre que les nancéens garçons assument ce style avec les oreilles. Tu vois ce que je veux dire? Non. Mais il y a un tas de choses que je n'assumerai pas forcément quand même. Hein, donc moi, je vous propose des casquettes dites normales. Ouais, hein, d'accord. Je ne parle pas des petites oreilles sur les côtés. Donc effectivement, en coude à coude avec le bob, cette saison, donc, la casquette remporte néanmoins donc, un grand nombre de passages sur les défilés de 2018-2019. Et on en voit partout dans les boutiques rue Saint-Jean. Mais elle a des origines. Alors la casquette a des origines parce que oui, moi j'aime bien quand même remonter un petit peu le temps. Donc en 1571, donc ça date quand même, en Angleterre, donc il faut savoir qu'une loi a été promulguée, j'arrive pas à parler ce soir, donc qui a imposé donc le port d'un couvre-chef pour tous les hommes le dimanche, sauf pour les enfants de moins de 6 ans et les aristocrates. Et donc à l'époque, tout contrevenant en fait était susceptible d'avoir une amende de 17 pence. Voilà, donc c'est beaucoup à l'époque. Je pense que c'était beaucoup quand même. Ouais. Imagine un peu. Donc, je ne sais pas du tout ce que la c'est. La casquette, à cette époque, c'était un symbole de classe sociale. Les bourgeois et les aristos, en fait, portaient plus des chapeaux. Et la casquette était plus portée par les travailleurs, donc les chauffeurs, les portiers, les concierges, les chefs de train. Elle était directement inspirée des uniformes militaires et notamment du képi. Tu portes la casquette, toi, Adrien? Pas du tout. Moi non plus, je trouve que j'ai vraiment une tête de con. Les chapeaux, de manière générale. Alors, j'adore les chapeaux, pourtant, tu vois. Moi aussi, alors moi je suis pour le coup, j'aimerais bien d'ailleurs qu'on fasse une chronique vraiment autour du chapeau un peu et des différentes époques. Moi j'aime le porc-pi. Donc c'est ce petit chapeau, tu sais, à bord court. Voilà, c'est arrondi comme ça. C'est un chapeau que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une tête à chapeau, mais il faut vraiment bien choisir son chapeau. Oui, tout ne nous va pas. Ça, ouais. Donc toi, tu mets rien, strictement rien. J'ai déjà essayé, et encore même les bonnets, parfois l'impression que ça ne va pas. Alors je pense qu'il faut aussi qu'on assume un peu ce truc, une fois qu'on a l'habitude de se voir comme ça. C'est un peu comme un bonnet de bain, là. En plastique, tu sais, qui colle. Alors la casquette, clairement, ça me donne une sale... J'ai l'impression que ça va pas du tout avec mon style, tu vois, même si c'est... Mais ça casse, en fait. Ah, c'est peut-être une question de style aussi. Ça casse, mais c'est une question de style aussi. Je considère encore la casquette comme étant quelque chose de sportswear. Alors il y a des casquettes, effectivement, il y a des casquettes qui sont dans l'univers du sport, mais il y a des casquettes aussi qui sont feutrées, qui sont en velours, qui sont... Il y a différents styles, en fait, de casquettes. Faut la mettre à l'endroit ou à l'envers? À l'envers, effectivement, oui, non, ça. Bah, ils les mettent toutes à l'envers, là, en ce moment, les casquettes. Hein, c'est plutôt les casquettes américaines, mais c'est vrai qu'on les met toutes à l'envers. Donc, pour en revenir un petit peu aux origines, donc, je parlais du képi. Donc, à l'époque, en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni, donc, la casquette devenait aussi le signe de reconnaissance, en fait, des écoliers, surtout des étudiants. Dans les années 30, la casquette plate, on l'appelait aussi casquette irlandaise, était en tissu avec un bouton central, et elle est devenue... presque universelle. Et notamment aussi, elle est devenue le couvre-chef un peu du Front Populaire. C'est vrai que quand on pense au Front Populaire aussi, on voit cette casquette. Donc à la fin du 20e siècle, au début du 21e, donc la casquette en tweed, le tweed on en a déjà parlé dans un coup d'œil dans le rétro, donc n'est plus un symbole populaire, mais ça devient aussi l'apanage d'une bourgeoisie attachée aussi à la campagne. Donc là, les bourgeois ont commencé à mettre des casquettes quand ils allaient à la campagne. Petit rappel de la matière tweed un peu, c'est un peu laineux comme ça. C'est un peu laineux, voilà. Ouais. tout à fait. Vous pensez au plaid un peu et vous voyez ouais, tweed en fait. Donc la casquette dans le sport, vous me direz, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Il faut savoir que dans le sport, notamment le tennis, la première femme qui portait donc une casquette et qui a remporté un grand chelem, c'était Alice Marble. Première femme, et c'était en 1930. Donc vous voyez, ça remonte quand même. Mais oui. On parlait aussi des États-Unis, donc avec le baseball, la casquette donc, de baseball dite pillbox steel. En fait, c'était une casquette qui avait un tour arrondi, un haut plat et une visière courte. Et dès 1900, en fait, la casquette dite Brooklyn steel, donc en fait, ils aimaient bien prendre des villes des États-Unis, était en 8 parties. Donc cette casquette-là, en fait, elle s'est imposée un petit peu partout. La visière était courte jusqu'aux années 30. Elle était souvent ornée d'une manière en fait à identifier une équipe. Elle est devenue un objet quotidien dans les années 1920 aux États-Unis. Et la casquette du baseball, justement, tu n'enfonces pas entièrement, enfin, tu la laisses un peu sur le devant comme ça. Ouais. On parlait tennis, on parlait baseball. Au niveau du foot, est-ce que vous connaissez l'expression mettre un but casquette, messieurs? Un but casquette, c'est quand il y a un qui est devant le but et puis qui racle avec sa tête un peu comme ça, ça lui frôle le front. Alors, en fait, le but casquette, c'est un but stupide qui est mis par le gardien contre lui-même. Ah en oui, fait. D'accord. Okay. Voilà. C'est-à-dire qu'il rate la balle et qu'il lui passe entre les mains et qu'il lui touche le front. Alors en fait, ça. C'est pas le mec qui parle. Non, mais ça a une référence en fait. Sur Olivier Tom. Autrefois, en fait, il faut savoir que les gardiens de but portaient des casquettes. Ouais. Et en 1927, il y a un gardien de but en fait qui, suite à la chute de sa casquette, en fait, a pris un but de dernière minute et a fait perdre son équipe. D'où l'expression en fait, but casquette. En fait. Voilà. Mais il y a plein d'autres expressions comme avec le mot casquette. Vous en connaissez d'autres? Casquette. Prendre une casquette. Il prend une casquette. Il prend une casquette week-end avec les copains. C'est-à-dire quoi? Faire la casquette. La casquette, il a pris une casquette et il est un peu trop picolé. Après, oh putain, c'est la casquette. Mais c'est vrai, c'est une expression. Mm. C'est comme la casquette, elle te sert, elle te fait une j'en petite barre. J'en ai ras la casquette, au niveau du front, bah du coup, c'est que t'as trop picolé. Et j'en ai ras la casquette. Ouais, c'est ça. La casquette, ouais. Vous connaissez cette expression? Oui, ouais, bah, bien sûr. Ouais. Donc pour en revenir à la mode, donc effectivement, cet automne, en fait, il y a des casquettes un petit peu matelassées avec velours, en matière, sympa. Mais on est sur du motif, Vichy, motif irlandais un peu. Il y a de tout. Il y a des motifs, il y a des trucs très colorés, il y a des trucs beaucoup plus sobres, dans des couleurs un peu plus foncées, marronnées, bleu nuit. Mais on parle bien de la casquette, je parle vraiment de la casquette. Et vous pouvez aisément la mettre avec une tenue un peu plus classique et du coup, ça casse un peu le style. Ouais. Essayez, je vous assure. On est encore un peu sceptique avec Adrien. Mais le streetwear, même le sport, a pas mal influencé aussi justement la mode du streetwear. Ouais. Voilà. Bah, sur le basket, le baseball. Basket. J'ai appris un truc sur le basket. Ouais. Les gens que tu vois avec les chaussettes remontées. Basket, non, chaussettes tongs. Oui. Non. Ah oui, c'est parce que les sportifs en fait, sortent. Parce que les sportifs sortent comme ça. Ouais. Et du coup, les jeunes, en fait, sont influencés. T'avoueras quand même que vraiment, faut un peu analyser, les gars. Enfin, c'est juste ils ont enlevé leur basket pour être plus confortables, quoi. Mais pas pour lancer une mode. Mais ça a lancé une mode. T'en as toutes les casquettes, d'ailleurs, on me rappelle. J'en ai quelques-unes, ouais. Fripp Show, ouais, ça, voilà. Ça part plutôt bien, ouais. Rendu, ça part plutôt bien, ouais. Ouais. Ah, c'est ça. Et les tendances, tu peux un peu sentir les tendances de l'hiver par rapport aux pièces que vous rentrez dans votre boutique? Là, on est encore en sélection parce que justement, l'hiver se tarde un petit peu à se montrer. Donc, du coup, on est en train justement de regarder. Est-ce que la chemise bûcheron va encore avoir son succès? Oui, on en a parlé la dernière fois, la chemise à carreaux. Un truc qui va avoir son succès aussi, c'est les manteaux en polyéné. En ce moment, les salopettes aussi. Ouais. Ah oui, la salopette. Ouais. Et c'est vrai que les manteaux en polyéné aussi, ça revient, vraiment un truc qu'il faut avoir parce que ça se démode pas en fait. 17h44, les amis, vous avez vu, on discute, on est des passionnés. The Dead South in Hell, I'll be in the good company. Ça commence par un petit sifflement comme ça, regardez-moi ça. On est bien ici en cette fin de journée sur Fadjet. On prend le temps de vivre et ça, c'est important. Down love couldn't go no further. after I count down three rounds, and hell, I'll be in good company. Créé en 2012, mêlant bluegrass, branche de la musique country et folk, groupe originaire de Regina, au Canada. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors il est 17h48 les amis, peut-être que vous nous rejoignez à cette heure-ci sur peut-être les réseaux sociaux. On a des bonjours à faire ou pas? Alors on en anticipe, hein. On va refaire un bonjour à notre équipe aussi, tiens, bah peut-être qu'elle nous écoute, Cricri du côté de la Bolivie. Non, où elle est la Cricri? Elle est un peu partout maintenant, Costa Rica, je ne sais plus. Oui, on lui fait un petit coucou. Ouais. En tout cas, on écoute. On va faire aussi un coucou à Laura qui est à la boutique. Voilà. Ouais. On lui fait aussi un coucou et encore un bon anniversaire à notre Clément et peut-être vous sur les réseaux sociaux qui nous écoutez. On fait un coucou à Maud aussi qui nous écoute. Oui. On fait un coucou aussi à Maud qui nous écoute assez régulièrement aussi. Alors je pars du principe que si on like, on écoute. C'est comme ça chez moi. Donc je vois Bertrand, Jessie, Caramel aussi qui était notre invité il y a quelques temps. Léon de la Brocante, hein, qui est toujours qui like aussi. Voilà, on est allé voir les Glorieuses, la semaine dernière, pas les Glorieuses. Super sympa aussi. Hein, un endroit à vraiment aller voir à Nancy. C'est nos potes. Mathieu Loingereau aussi qu'on a reçu. Fabienne aussi, hein, qui a Fadjet. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller nous voir sur notre page Facebook, à nous donner vos avis. Et surtout aussi, je le redis souvent, on recherche assez régulièrement des invités, hein, dans notre émission, des acteurs locaux du monde rétro, entre guillemets. C'est quand même un peu l'objectif de cette émission, eh bien on vous donne la parole. C'est un peu fait pour ça, surtout si vous lancez votre petite activité ou votre passion en tout cas, eh bien n'hésitez pas à nous contacter, vous serez certainement le prochain invité de notre émission. Alors d'ailleurs, sans transition aucune, on va passer un peu à l'actu et les sorties, c'est ça? Oui, les sorties qu'il y a à faire ce week-end et puis les week-ends prochains. Donc demain on est samedi. Oui. Je vous propose de 10h30 à midi, où il y a la visite de l'Excelsior à la Villa Majorelle. Donc c'est organisé par Nancy Tourisme. Donc au départ de la brasserie l'Excelsior, donc ce circuit vous fera découvrir de beaux exemples d'hôtels particuliers et d'immeubles Art Nouveau, de l'avenue Foch et de la grande rue de la Commanderie. Ça vous conduira jusqu'à la Villa Majorelle, dont la restauration extérieure vient d'être réalisée. Les tarifs c'est 10 € et en tarif réduit c'est 5 €. Le rendez-vous en fait c'est devant l'entrée de l'Excelsior rue Henri Poincaré, sur réservation préalable et certainement obligatoire, donc à l'office du tourisme de Nancy, place Tannes. Il y a aussi un autre rendez-vous. Alors eux, ils tournent plutôt bien. Ouais, quand même dans le cadre des NJP. C'est ce samedi de 18h à 20h. C'est au pub McCarthy à Nancy. On les a déjà reçus. C'est les Velvet Swing. Hein. C'est un concert jazz. Donc allez-y les yeux fermés. C'est vraiment un chouette groupe. Ils sont tous sympathiques. Et donc ça se passe au pub McCarthy. On en parlait il y a quelques instants. Ce samedi, samedi 27 octobre. Non, c'est pas ce samedi. Qu'est-ce que je raconte? C'est samedi prochain. Il y a l'atelier de création Dame Jeanne qui est organisé par le collectif Glorieuse de 14h à 16h. Alors venez avec votre Dame Jeanne. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais si, on en a parlé, ben oui, les grosses bonbonnes, voilà, où on mettait du rhum, vous voyez. Oui, alors les grosses bonbonnes, ne ramenez pas votre non, vieille tante. Non, pas avec le... non plus, hein, on ne parle pas de ça. Hein, mais voilà, donc c'est les grosses bonbonnes qu'on décore, c'est un peu ça? Oui, c'est ça. Alors, guidé par Microdomus, et vous repartez avec un terrarium. Oh, voilà. Ouais, c'est génial, en fait. Vous réalisez votre composition végétale, la terre, les plantes, et le savoir-faire sont inclus dans la proposition. Le tarif est de 90€. Renseignements et inscriptions auprès de Microdomus ou de Glorieuse. Mercredi 31 octobre, donc on a le Burlesque Caravan 13. Donc c'est le grand bal macabre. Donc on est toujours un petit peu dans l'esprit Halloween. C'est la dernière édition, pardon, donc organisée par Mitch Tornad et Cabnoman. Donc de 20h à 2h à l'hôtel de ville de Nancy. Le dress code conseillé, c'est rétro chic années 50, années 60 et 50, ou Halloween. Hein. Ouais. Prévente, c'est 15€. Non, 20€ pré-vente, oui. Et 15€ les adhérents, ou les places en boutique, donc au comptoir des Caprices ou sur Internet. Yesterday, The Beatles. Vendredi 2 novembre de 20h à 22h à la salle Poirel. C'est le spectacle Yesterday, The Beatles qui retrace la carrière des Beatles de Love Me Do en 1962 jusqu'à Let It Be en 1970. Le groupe Patchwork parcourra le répertoire des 4 garçons dans le vent en interprétant leur plus grand titre. Le tarif plein est de 29,60€ et le tarif réduit est de 26,60€. Le samedi 3 novembre, donc on pousse un petit peu plus loin, donc à 21h au Royal à Metz, il y aura le Chicago Club Acte 3 version un peu Casino Royal, machine à sous, croupier, chemin de fer et champagne. Aux manettes, donc swing et électro swing, donc Mitch Tornad encore. En plus, au programme, donc il y aura des performances claquettes avec Tip Top Tap et un atelier de 1h15 de 19h à 20h15 au tarif de 15€, voilà, ou formule 25€. Donc la réservation est conseillée sur contact@leroyal.eu. Et vendredi 9 novembre, vous voyez, on vous amène assez loin, il y a l'inauguration du lieu atypique et collectif Glorieuse qu'on a reçu dans notre dernière émission. Au demeurant, vous pouvez aussi réécouter nos dernières émissions, nos émissions précédentes sur notre site fadjet.net. Vous allez sur les podcasts, tout simplement, d'un coup d'œil dans le rétro, et vous réécoutez émissions précédentes. Ça, c'est une possibilité. Pour suivre aussi notre actualité, c'est Fadjet coup d'œil dans le rétro sur la page Facebook. Et là aussi, vous avez aussi les émissions précédentes qui sont en podcast sur Mixcloud. Donc, je reparlais de Glorieuse, donc le lieu atypique et collectif, qui le vendredi 9 novembre regroupe du vintage, de la brocante, de la hi-fi, des vinyles, une friperie, des créations artisanales. Est installée au 18 rue du Pont César à Nancy. Depuis le 1er septembre, le collectif nous convie à sa crémaillère. Ah, t'as aussi un autre événement pour Halloween. Pour Halloween? Ouais, la Voodoo Moonlight. D'accord. De la Romerie de la Plantation. Okay. C'est leur 4e édition et c'est dans un lieu inconnu pour le moment. D'accord. Donc, mais il y a l'événement sur Facebook. Il y a l'événement. D'accord. Donc ça s'appelle comment? La Voodoo Moonlight. La Voodoo Moonlight. Ouais. Et c'est pour l'instant c'est une soirée top secret, mais ce sera dans un lieu qui sera révélé par la suite. Donc c'est organisé par la Romerie, mais c'est pas dans le lieu de la Romerie, c'est ça? Non, ça sera pas chez eux. D'accord. Et voilà. C'est quelle date t'as dit? Le 31. Le 31 octobre. Ouais. Et par contre, l'impératif pour le public, il faudra venir déguisé. D'accord. Bon, sinon, vous rentrez pas. Bon, ben, on laisse le suspense, hein, comme on dit. Le suspense. Notre prochaine émission, c'est quand, Naïk? Alors, si je compte bien, ça devrait être le 16 novembre. Le 16 novembre? Oui, le troisième vendredi. Eh ben, écoutez, c'est donc, pour ça. Donc, voilà. Il y a beaucoup de vendredis en novembre, mais voilà. Aux alentours du 16, on se retrouvera. Eh ben, on se retrouvera le 16 novembre. En tout cas, nous sommes très heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Les programmes continuent sur Fadjet, bien sûr. Le Hot 40, c'est à 20h. 21h, Electrochoc et Party Time, 22h. Les amis, à bientôt, non? À bientôt, oui. Eh ben, au mois prochain, oui. Au mois prochain, bien sûr. Allez, à bientôt. Restez à l'écoute. Ciao, ciao. Tout le monde danse.